Yeman, même si le constat sur le monde actuel reste négatif, aie confiance. Le monde bouge et change autour de toi. Regarde les frères et sœurs qui peu à peu marchent dans l'unité. Regarde au fond de toi. Écoute. Yeman. Le monde change. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Les choses changent. Même à la télé, y'en a marre de tous ces discours man qui n'ont rien changé. C'est au peuple et maintenant oui de tout changer. La prophétie s'est écrite, on vous l'a même chanté. Big up aux entiers si t'es premier à manifester. Moi je le fais au micro et ce depuis 10 années. Le monde change. Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Les choses changent. Attends je te bats pour les faire bouger. Le monde change. Fin du monde, elle est déjà passée pour certains, ils sont dans des tombes. Les tsunamis, les cyclones, pour les autres les bombes. Et je vois tous les survivants reconstruire le nouveau monde. J'attends avec patience voir tomber les grands de ce monde. Ceux qui n'ont aucune pitié n'ont pas la moindre du monde. Et toi tu te prends la tête parce que ton compte il succombe. Tu dis désespéré mais tu n'es pas dans la tombe. Le monde change, ne me dis pas que tu n'as pas remarqué. Les choses changent. Tu ne peux ignorer tout ça, ça passe même à la télé. Y'en a marre de tous ces discours mal qui n'ont rien changé. C'est au peuple et maintenant oui de tout changer. La prophétie s'est écrite, on vous l'a même chanté. Big up aux entiers, si t'y prenez à manifester. Moi je le fais au micro et ce depuis 10 années. Le monde change. Ne me dis pas que tu ne l'as pas remarqué. Les choses changent. Qui te dit ça?